Une présence se fait sentir. Elle est habillée comme Beetlejuice. Ah, ouais, c'est vrai. Et lignée noire et blanc horizontale. C'est mon costume, c'est ça. Est-ce qu'on dit son nom, c'est quoi, trois fois? Pour le faire apparaître officiellement. OK, t'es prêt? Okay, on dit ça au complet? Ou juste le prénom? Au complet, OK. OK. Justine Renaud! Magie, elle est là! C'est l'Halloween! Et oui! Casse pas notre miroir, sinon ça va être 7 ans de malheur! Et à l'Halloween, on sort les squelettes de notre placard. Oh, ouais. Par exemple, un des miens est que je peux manger des quantités quasi infinies de céréales lorsque je m'écrase dans mon lit pour écouter Netflix. Non, non, c'est ça. Blague poche à part. Est-ce que t'aimes le candy corn, toi? Oui, mais un. Juste un à la fois. Ouais, juste j'en mange un, puis après ça, je suis comme, c'est bon, puis ça suffit. Ouais, c'est un peu comme, t'as parlé de squelette dans le placard, c'est un peu comme ma tolérance pour Patrice Lécuyer. Bon, mon Dieu. C'est pareil. Juste une fois, puis ça va. Ouais. Je suis rassasié. Ouais, on aurait dû voir juste une fois dans Unité 9, là, que finalement Marie lui dise. Et spoiler! T'es pas sexy! Bye! Ah, bon. Je sais pas. Non, il est pas. J'aurais pas. Écoute, il transpirait pas de sexe. Il est pas. Il a pas de sex appeal, ce gars-là. Il est un peu généré, quoi. J'ai comme l'impression qu'il animerait ses sessions de sexuelles, ses ébats amoureux. genre. Alors. Non, mais il faudrait qu'il ait son carton parce que c'est pas où s'en aller s'il n'y a pas son carton. Hey, écoute. Ouais. Wow, on est rendu loin, là. On est fin, hein. On retourne à nos squelettes dans nos placards. C'est ce dont je voulais vous parler ce matin. Je voulais aussi rafraîchir un peu vos cours de biologie du secondaire et vous en apprendre un peu plus sur ce système. Alors, justement, pourquoi en avons-nous un squelette? En avons pour un que squelette? Pour que c'est qu'on ait un? Pour que c'est qu'on ait un? Hein? En français, un matin. Eh bien, c'est tout simplement parce que nous faisons partie du sous-embranchement des vertébrés. Alors, plus spécifiquement, nous sommes du royaume animal, tout comme les oiseaux, les insectes, les poissons, les mollusques et les mammifères. Puis, nous sommes de l'embranchement des chordés, c'est-à-dire ceux avec une moelle épinière. Donc, on exclut ici les insectes, les mollusques et certains politiciens. Ah, oh, et finalement, chez les chordés, on compte ceux avec un squelette comprenant la moelle osseuse qui protège la moelle épinière. Puis, c'est là où on se situe les humains et tous les mammifères. Fait que chez les mammifères, on va souvent retrouver des différences entre le squelette des différents sexes. Par exemple, le squelette du morse mâle est beaucoup plus grand que celui de la femelle, tandis que chez certaines baleines, c'est l'inverse. Mais ce dimorphisme sexuel est très subtil chez les squelettes humains. Il n'y a pas de grande différence de taille entre les hommes et les femmes. Et pour préciser, il va y avoir des petites différences entre les deux sexes de manière variable, dépendamment de la femme et dépendamment de l'homme. Mais on va retrouver, par exemple, la taille de la mâchoire et la grosseur des os longs, comme le fémur, qui seront un peu plus gros chez les hommes. Ou encore la géométrie du pelvis qui sera plus large chez les femmes, un produit de la sélection naturelle qui nous permet de donner naissance, non pas sans difficulté malgré tout. Et autre chose que nous n'avons pas hérité des mammifères, c'est l'os dans le pénis. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Auriez-vous aimé ça, les garçons dans la salle, Mathieu, avoir un os dans le pénis? Ben, j'ai l'impression que ça serait, douloureux. Douloureux, comme il faudrait peut-être qu'il reste à la même place. Ou est-ce qu'il serait comme sur une panture de muscles pour pouvoir, tu sais, il serait comme un os, mais pogné après un. Tu sais, pourquoi tu puisses le bouger? Oui, une panture. Une panture pénienne. Ça serait quelque chose à inventer dans l'âge du bionique, là, les organes bioniques à un moment donné. Mais tout le monde dit genre, tu sais, je suis pas gros, j'ai des gros os. Est-ce que tu pourrais dire ça? J'ai des gros os. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Hey, ah, elle a sorti sa langue pour le faire. Ouais, je suis en train de ma langue. C'est vraiment pas chic, là, parce que, tu sais, bientôt, ça va être le temps de la gastro, là. Il y en a de nos chroniqueurs qui sont des papas, des mamans, là. Ouais. C'est très dangereux ce que je fais. Clairement, là. Ben oui. Ah ouais, j'ai vendre des affaires, là. Sûrement. T'es pas enceinte, Mathieu? Voyons. Hey, bon. J'ai des gros os. Gabriel Béhoud, non, sorry. Ton pelvis, il y en a plusieurs, il est prof. Ben large. Voilà. Ouais. Et donc, quelques specs sur le squelette humain, rapidement. Des specs comme des spécifications. Des spécifications, okay. Comme dans le jargon du terme du lieu de l'âge d'or, tu sais. Il y a deux portions distinctes du squelette, soit le squelette axial et le squelette appendiculaire. Oh. C'est bien joli, cette affaire-là. donc c'est l'appendice. Non, non, c'est pas ça pantoute. Le squelette axial, vous l'avez peut-être deviné, comporte la colonne vertébrale, une partie de la cage thoracique et le crâne. Donc, fait que c'est tout ce qui est dans l'axe. Hein? Puis le squelette appendiculaire, c'est pas bien ben compliqué. C'est pas ma joke poche de l'appendice. C'est plutôt les os des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que le pelvis. C'est plate de même. Mm-hmm. Fait que pop quiz rapide. Quel est le plus petit os du squelette humain? Ah, c'est pas dans l'oreille! Ah, oui, dans l'oreille, mais c'est quoi? Sûrement, ouais. C'est... Ah, je me sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas le marteau. Mettons qu'il y a le marteau, il y a l'enclume, il y a l'étrier. C'est lequel parmi les trois, selon vous? Ah, chenoute. L'étrier. Ouais. Yes! Bonne réponse. C'est bon. Et le plus gros os, maintenant... C'est pas dans le tibia? C'est l'os de Mathieu. Dans la cuisse, peut-être? T'es pas, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le fémur. Le fémur. Oui. Et combien avons-nous d'os à l'âge adulte? Oh, chenoute. C'est pas genre 60 kek? Ouais, si peu. Hey, sérieusement, là, si jamais je vais à Who Wants to be a Millionaire, vous n'êtes pas mes fonds de fond. Okay, non, je ne vais pas vous téléphoner. Vous c'est parce que c'est l'épisode qui me manque dans Grey's Anatomy. Ah, ouais. OK, je vais dire 125. Ouais, j'étais bien trop loin de mon 62. Mais, rappelez-vous du chiffre magique 206. Ah, oh. Ah, OK. 200 ciseaux, parce que ça se dit tellement mal. 200 ciseaux. Ouais, c'est 200 ciseaux. Très, très, ouais. C'est suggestif. Quand même... Mais voilà. Fait que c'est du moins 206 os. Pour la plupart des gens. 206 os constants, c'est ça. Sans compter les os surnuméraires dont le nombre varie chez les individus. Ah. On retrouve par exemple des os sésamoïdes. C'est tellement cute comme nom. Ouais. Sésamoïdes surnuméraires dans les mains et les pieds. Sésamoïdes, là, c'est des espèces de petits os là, qui ne sont pas nécessairement reliés là, entre eux, comme mettons le tibia avec le fémur, etc. Okay. C'est un exemple de ça, là, ce serait comme la rotule. La rotule, c'est un os sésamoïde. Ouais. Ah. Mais c'est ça, on en a dans les pieds et dans les mains, puis ça dépend de chaque être humain. On n'est pas tout fait pareil. Il y en a qui en manquent aussi. Et voilà. Fait qu'on en a, en gros, 206, mais ça varie. C'est bien beau, tout ça, mais combien est-ce qu'on en a à la naissance? On en a-tu plus ou on en a moins? Est-ce qu'on en a moins, il me semble, non? Il y en a-tu qui se créent? Y a-tu des divisions de... Il y en a qui se fusionnent, me semble. Eh oui, t'as tout à fait raison, Tania. Fait qu'on a presque 50 % plus d'os à la naissance, jusqu'à 300 os. Là. On n'y aise plus, là, c'est un paquet d'os. Hein? C'est la raison pour laquelle nous en avons tellement moins à l'âge adulte, tel que parmi les 300 os initiaux, tu l'as dit, certains vont se fusionner ensemble. Fait que c'est le cas de le dire, on vient vraiment à pièces détachées. Hey, mais c'est ceux mettons qui sont double-jointed, là. C'est ceux qui peuvent virer leurs affaires à l'envers, là. C'est-tu parce qu'ils ont des os qui n'ont pas été fusionnés? Je doute de ça parce que à la base, je veux dire, nous autres, moi, je suis pas doublement joint. Je sais pas comment le dire. J'ai pas de double joint au niveau, par exemple, du pouce là, que je suis pas capable de l'envoyer vers mon avant-bras. Ouais. Certaines personnes le sont capables. Peut-être qu'il y a des os en plus ou en moins, mais sont pas plus ou moins fusionnés. C'est peut-être plus une flexibilité des muscles. C'est une flexibilité, puis je pense que c'est une question de les joints, les tissus qui retiennent les os ensemble. Mais ça, c'est les studs. Ça pourrait être une question pour une autre chronique entièrement. Je pourrais parler mais de la flexibilité. Tu sais comment je suis curieux. Je te demande un sujet. Je te passe une commande. Et c'est ça qu'il faut faire. Passe un papier. Il fait tout le temps. Ben, je suis gosse. Hein, je sais. Fait que le fait d'avoir 300 os initialement, ça va favoriser le processus de la naissance des bébés. Fait qu'on peut tous citer en exemple, là, c'est là que ça vous revient probablement, là, que le crâne et la figure du bébé sont composés de quelques 26 os retenus à leurs joints par des tissus robustes et qui rendent la tête malléable au moment de la naissance. Pour le va-va-va-vou. Eh bien, ces 26 os se fusionnent à un total de 2, donnant le crâne et la mâchoire. Fait que déjà là, on vient d'en perdre 24. Ouais. Ben, 24, ouais, c'est ça. 25, mettons, là, parce qu'il y en a 25 qui deviennent 1, puis la mâchoire devient 1, reste 1. Puis il y en a d'autres ailleurs dans le corps qui vont aussi se fusionner. Mais qui dit squelette dit os? Depuis tout à l'heure que je dis os et os, j'ai tellement de la misère. Et les os sont les organes qui constituent le système squelettique. C'est drôle de dire qu'un os, c'est un organe, mais oui, c'est un c'est os. Vrai? C'est un organe. C'est comme l'estomac fait partie du système digestif. Bien, le système du squelette est constitué des organes qui sont les os. C'est un organe, ça peut sûrement être une orgue aussi, des pierres à feu. J'imagine qu'il devait jouer du piano sur des os. Dans le temps. Clairement. Sûrement. Plus un xylophone. C'est ça, je m'allais dire, c'est un xylophone. Fait que les os ont pour fonction de supporter le corps. d'abord de permettre le mouvement, évidemment, de servir de tank à minéraux et de protéger aussi. Mais en plus de tout ça, si on déterre ses connaissances de biologie 101, on se souvient qu'il servait également d'usine de production de globules rouges et blancs, tout en adoptant certaines fonctions endocrines, c'est-à-dire le système hormonal et de régulation générale là, du corps. Là. Fait que la structure interne des os rappelle celle des ruches d'abeilles, c'est-à-dire en alvéoles. Et c'est cette matrice qui confère aux os leur très grande solidité malgré leur légèreté. Fait qu'imaginez-vous si on était complètement là, les os étaient complètement remplis, là, on serait pas mal moins léger. Là, t'sais. Fait que dans cette matrice, il y a du tissu osseux minéral ainsi que du tissu collagéneux. Okay? Fait que pour la portion minérale, celle-ci est composée majoritairement, mais pas uniquement, de phosphate de calcium. Là, je rentre dans la chimie. Il y a des gens qui trippent à la maison, je suis sûre. Fait que le phosphate de calcium est un sel qui est constitué de phosphore, de calcium, d'oxygène, d'hydrogène. Là, il n'y a pas de carbone là-dedans. Là, fait qu'on dit que c'est inorganique. Quand il n'y a pas de carbone, c'est inorganique. Et tous ces atomes-là vont s'organiser en une structure tridimensionnelle qu'on va chimiquement désigner d'hydroxylapatite de calcium. Mm-hmm. Ben oui! Ce qu'il y a dans mes vitamines le matin. Ben oui. C'est ça! Comme un espèce de nom là, qu'on va donner à notre grand-père en 1902. Là. C'est hey, hydroxylapatite! Oui, c'est comme Herménégilde. Exactement. C'est pareil. Herménégilde, il y en a dans les os du Herménégilde. Arrête donc. Oh non. Il ne faut pas retenir tout ce que tu dis. Vraiment pas. Il n'y a pas d'examen à la fin, une chance. Et là, ça, c'était la partie minérale, mais la partie collagéneuse des os est formée d'océine. C'est bien cute. C'est un beau prénom, ça, féminin. Hein? Il y a une fille d'Aimime là, sur Spotted et Cuitière qui fait tout le temps rire d'elle. Ah, oh, ça, c'est Océane, je pense. Oh, mon Dieu. Océane. Elle est pauvre, elle. Pas pour son nom, c'est un beau nom. Ben oui, c'est un elle beau fait, nom. Elle se fait niaiser pas mal. Et voilà. Sur Facebook. Écoute. Les gens sont cruels. J'attendais la suite. Non. Eh boy, hein. Écoute, fait qu'on parlait de la partie collagéneuse des os qui est formée d'océine et non pas d'océane, et ça rappelle dans le fond le collagène. Fait qu'ensemble, ces deux types de structures moléculaires confèrent aux os une grande force, à la fois une force lorsqu'on les comprime, c'est-à-dire on essaie de comme prendre, mettons, le fémur, là, puis on pèse fort dessus, à la fois vertical ou horizontal. Là, c'est très difficile à déformer l'os. Et lorsqu'on essaye de tordre les muscles ou de les plier, ça aussi, c'est assez difficile à casser les os. Fait que tout ce qui est compression, là, c'est l'hydroxylapatite qui est responsable de la rigidité. Mais quand on plie et qu'on tord, c'est dû au collagène. Fait qu'une juste de chance qu'on ait du collagène dans nos os, sans quoi on serait très... On casserait facilement. Il y en a plusieurs qui ont cette maladie-là, des os qui brisent facilement. Oui, ouais, les os de verre que j'ai pas exactement couvert dans ma recherche, mais effectivement, je suis pas certaine si c'est dû à un manque d'hydroxylapatite ou un manque de collagène ou à autre chose même, mais tout à fait, là, il y a comme un très grand nombre de maladies reliées au système squelettique. Tu me rappelles? Ah oui, ah oui, hydroxylapatite, hydroxylapatite. Mais des os, c'est pas juste de la matrice puis du vide, tu sais. Il y a des cellules dans les os qui se chargent continuellement de produire et de détruire cette matrice osseuse et collagéneuse. Ceux qui fabriquent des minéraux sont des ostéoblastes et des ostéocytes. Et c'est cute parce que les ostéocytes, dans le fond, c'est des versions un peu veg des ostéoblastes parce qu'ils se sont enfermés elles-mêmes dans leur matrice puis sont pognés là. Bravo! Ah, félicitations! Les ermites! Ouais, ils sont bien chill, eux autres. Fait qu'eux autres sont comme dans leurs espèces de cages d'os, là. Puis ils envoient leur prolongement, les ostéocytes. Ils sont comme hey, « Salut, je suis pas gay! » Et c'est là qu'on a besoin d'un autre type de cellule qui est les ostéoclastes, qui, eux, participent à la résorption de la matrice. Fait que pour aller libérer la princesse ostéocyte, si vous voulez dire. Mais ça sert pas vraiment là, à libérer les ostéocytes. C'est vraiment juste qu'on a besoin d'une espèce de... un recyclage constant. Il faut toujours continuer détruire et refaire notre matrice, un peu comme les rues de Montréal. J'écris en puits. Et non pas et puis oui, parce que moi j'écris, hein, mais tout ce que je dis, c'est tout écrit. J'aurais jamais deviné. Ouais, c'est ça. Tout ce que je dis, je l'écris. Et ça y est, tout. Dans la vie, on se rend compte dans la rue, puis c'est comme... Elle écrit ce que je sors mon papier, sort son carton, hein? Comme Patrice Lécuyer. Fait que les os ne comportent pas juste des cellules qui s'occupent de faire et de défaire la matrice. On y trouve des nerfs, des vaisseaux sanguins, On a parlé de cartilage. Il y a évidemment la moelle osseuse où sont fabriqués les globules et les plaquettes du sang. Mm-hmm. Bref, les os là, et le squelette entier là, s'occupe de tellement de fonctions qu'on comprend l'importance de le garder en santé. Puis avec l'arrivée de l'hiver, ben, on va pouvoir commencer incessamment à se soucier ou à déprimer de notre apport en vitamine D, que l'on synthétise en contact avec les rayons du soleil, mais qu'on devra boire dans notre lait pimpé aux vitamines et hormones pendant ces temps sombres. Mmh. Ouais. La question de la vitamine D, je ne l'ai pas touchée aujourd'hui parce que c'est tellement... Ça touche le système de l'épiderme, là, toute la peau, mais ça affecte tellement tout le corps que j'ai préféré ne pas m'aventurer là. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu comme une espèce de petite chronique short and sweet, mais j'ai compensé aujourd'hui avec la musique. Trois très bonnes chansons. Ah, ça va être... Bad, oh mon non? Dieu, ça aurait été vraiment une bonne idée, mais non. Vraiment. Écoute, non, je ne l'avais pas dans mes playlists, mais on va commencer par une chanson que je trouve très délicieuse. Écoutez les paroles, c'est très cute. Ça s'appelle Skeleton Song de Kate Nash. Oh, Assemblage Requis, c'est Justine Pertine. And blood running through you to help protect the bone. Skeleton, we have been friends for years, and you have seen me through some trials and tribulations and some tears. But everybody thinks I'm weird, and I should have known that it wouldn't be long until you've got me standing in an awkward position with unwanted attention and a need for explanation. And it's not that I'm letting go of you, but I don't know what to do. Skeleton, we are so close, but you have got no body, so why do you insist on wearing clothes? Seven, I had you, but now I'm 22. And now it's different when I take you out, and you've got me standing in an awkward position with unwanted attention and the need for explanation. And this, not that I'm letting go of you, but I don't know what to do. Yeah. You've got me standing in an awkward position with unwanted attention and the need for explanation. I could never let you go, and that is all I know. And that is all I know. And that is all I, that is all I know. And that is all I know. Thank you. beau être mort, mais on l'aime bien, Jacques. Oh, Jacques mort, où es-tu? Regretter Jacques mort. C'était Squelette de bois. Juste avant ça, on écoutait Croy avec Bones. Et en premier lieu, Kate Nash avec sa ludique chanson Skeleton Song. Oui. Ha ha! Hey, on parlait de, devinez, squelette? Oui, de potage. Hey, wow! C'est clairement de ça. En cette journée d'Halloween, hey, avez-vous des costumes cette année, l'Halloween? Ben, OK. Je suis pas un gars de costume. Commence par Tania, ça va aller mieux. Ouais, Mathieu, lui, il est venu à un party d'Halloween avec juste un chapeau sur la tête. Ben, j'ai acheté un chapeau de magicien, puis j'ai pris une fleur là, que tu peux pitcher de l'eau, fait que c'était bien drôle pour ça. C'est vrai, ça c'était très cool. Moi, j'ai été liseuse de Bonaventure samedi soir. Oh. Et ce soir, si tout se passe bien, je devrais être un bélier. Mais qu'est-ce qui pourrait ne pas se passer bien? La production des cornes. Oui, c'est ça que je voulais dire. Faire pousser les cornes. Oui, c'est ça. Je les ai mis des racines dans l'eau, là, tout l'été. Là, exactement, j'attends que ça pousse. Du popcorn. C'est ça. Moi, je suis allée à un party samedi et le thème, c'était la magie. Mais tu sais, moi, me déguisant en magicien ou me déguisant en Harry Potter, ça me disait pas tant. Fait que je me suis déguisant en boule 8 magique. Ah, oh, c'est dans mes hot! Au pluriel. Oh! Fait que j'avais, comme j'étais toute habillée en noir, j'ai mis à poser ouais, des gros ronds avec le chiffre 8 inscrit sur mes seins. Oui. Et ma copine, que je salue chaleureusement, Maud! Elle était déguisée en Magic Mike. Magic Bullet? Non, ouais, Magic Mike. Wow. En Magic Mike, ben c'est magique, fameux film Magic Mike, fait qu'il était en chess pis tout, fait qu'on l'appelait Magic Dyke. C'est un jeu de mots lesbien. Mauvais goût. Ah oui. Maintenant que le party d'Halloween de Tania est passé, je peux révéler ce que je voulais faire comme costume au début. Mais j'ai pas réussi à trouver les éléments. Je voulais juste parce que c'était la thématique cirque. Fait que mon... Pardon. Je voulais être genre juste m'acheter, mettons, je sais pas, un chapeau avec une hélice, quelque chose comme ça. Puis genre un plat de popcorn, j'aurais été le gars qui est dans le public. Oh, mais j'y ai pensé, le pire. Ouais. J'ai tellement pensé, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va arriver, genre, en disant, ben moi, je fais juste regarder le cirque. Ou genre avoir des billets dans les mains, tu sais, j'aurais pu y avoir quelque chose. Ouais, c'est ça. Très bonne idée. Très bonne idée. Écoute, je pense qu'il faut plier les règles afin d'avoir du plaisir à l'Halloween des fois, là, avec les thématiques imposées. Imposables. Oh, imposable, mon taxable. Dieu. Taxable. Taxable. Bon. Merci. J'en reviens dans deux semaines. Ben, j'espère. Ben, j'ai mis à la porte, c'est non, pas non. Non. Déjà que t'avais pas nous annoncé ton départ éventuel, là, on fait comme si on n'avait rien entendu. La la la la la la la la la la. Exactement. Ouais. On pense pas à ça. Ben oui, c'est ça. Bref, merci Justine Renaud. Plaisir. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Ce ne sera plus l'Halloween. Non, mais il va y avoir des bonbons. Ah, oh, amenez-moi des bonbons, je veux des bonbons. Oh, on est plate, on est vraiment plate. On n'a même pas de bonbons. Crème, même au gym, ils donnent des bonbons. Ah, l'année passée, je pense qu'on en avait, Mathieu, on en avait amené. Oui, oui, mais tu sais, je pourrais dire qu'on n'a pas d'argent pour bien les affaires. Exactement. Fait qu'on va acheter des bonbons. C'est comme ça. À dans deux semaines. Jimmy Thibodeau qui est avec nous pour sa chronique gauche à RBVU, qui a toujours pas d'intro, fait qu'on met le fond générique là-dessus puis on se gâte, c'est belle fin. Bienvenue à toi. Ben merci beaucoup. Aujourd'hui on parle de Hollywood washing. On pourrait appeler ça de la jovialisation hollywoodienne. Ouh, genre, de la jovialisation hollywoodienne, c'est pas vrai. On cherchait une francisation tout à l'heure. Ben, j'ai dit pain blanchification. Ouais. Je trouvais ça drôle aussi. Ou blanchiment, tu sais, pour être blanchiment. Plus simple. Ben aussi. Oui, c'est ça. Casse pas ta tête. Mais non, blanchiment hollywoodien. Pourquoi javelisé? On aurait pu dire bleachage, mais ça aurait été un anglicisme. Ouais, aussi. C'est pour ça le javelisant. C'est ça, exactement, c'est très bien. J'aurais pu dire chloroxification. Bref, ben le Hollywood whitewashing, juste expliquer c'est quoi à l'audience, bien sûr, d'abord. Oyez. Ben oui. Donc, le Hollywood whitewashing, c'est quoi? C'est de faire, en fait... j'ai fait même une petite définition, autant vous la lire, parce que c'est... Il y a deux cas là-dedans. C'est une tendance dans le milieu du cinéma, d'abord, à engager des acteurs blancs pour jouer d'abord soit des rôles de personnages issus de minorités ethniques. Mm-hmm. Donc, par exemple, si on a une adaptation d'un roman, ou dans le roman, c'est un noir, par exemple, qui est le personnage principal, puis le personnage principal dans le film, c'est un blanc, c'est du Hollywood whitewashing. Et ça peut même, c'est pas obligé d'être quelqu'un de blanc, ça peut être un Égyptien qui est joué par quelqu'un qui a des racines du Moyen-Orient, mais qui n'est pas exactement le même pays, j'imagine que ce serait la même chose. Ou Scarlett Johansson qui joue une Asiatique dans une adaptation d'un animé japonais. Ouais. C'est le meilleur cas. Ça. J'étais pour embarquer là-dedans, d'ailleurs, c'est un très bon exemple. Ouais. Les limites sont floues des fois, c'est souvent bon, des acteurs blancs de background différent, mais blancs pour des rôles de minorité qui sont pourtant remplis dans la communauté louisienne d'acteurs de toutes les sortes. Exactement. Effectivement. Donc, pourtant, ils ont du choix, mais en même temps, ben, c'est quand même assez drôle ce qui se passe des fois. Il y a des exemples assez épouvantables de Hollywood whitewashing. Mais juste revenir à la définition, deuxième exemple de possibilité de Hollywood whitewashing, c'est quand, par exemple, on a un film original, puis on leur fait un cover avec... puis là, l'acteur original était d'une minorité ethnique, puis là, le nouvel acteur pour le cover est blanc. C'est du Hollywood washing aussi. Un remake ou encore comme dans The Mummy, c'était qui? C'était The Rock. Puis dans le nouveau The Mummy, c'était Tom Cruise. C'est genre, oui, c'est ça, je pense. Bon. Des trucs comme ça. Ou encore quand il y a une série de films, puis dans les opus précédents, il y avait un acteur qui était là qui ne peut plus être là. Puis là, c'est remplacé par un acteur blanc, autrement dit. Pis le même rôle, le même... Puis le même rôle, exactement. C'est n'importe quoi, ça. Ouais. Ça peut être un autre exemple de Hollywood whitewashing. Donc, pour dire que c'est assez large, tu sais. Tout ce qui est... Ben, non, c'est ça. On va dire que c'est large. Il s'auto-censure. Ouais. Il veut pas se faire d'ennemis. À chaque semaine, non, il se fait des ennemis. Non, c'est ça, exactement. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est ça, parce que la dernière fois, en plus, j'ai parlé d'immigration et tout, là. On va se mettre à croire que je m'en prends aux minorités culturelles. Ça n'a pas de bon sens. Non, on fait juste exposer les problèmes dans la vie, là. C'est ça le but de ta chronique, là. T'sais, exactement. Un gars de gauche qui critique la gauche, c'est ce qu'il fait. Certains des rappels de gauche. Exactement. Ben là, vous voyez pas encore où je veux m'en venir, parce que le Hollywood whitewashing, voyons donc, c'est bien. Loin c'est bien correct de critiquer cette affaire-là. Ben oui. Mais attention, ça s'en vient bientôt. Juste pour la petite histoire, là, en fait, dire que il y a eu plusieurs cas très épouvantables de Hollywood whitewashing dans l'histoire. Là. Donc, ouais. Des cas vraiment, c'est assez clair. Ben, en fait, c'est même ridicule. Oui, oui, oui. Comme par exemple, prendre un acteur blanc pour jouer Genghis Khan, ça n'a pas de sens. Là. Ou un Écossais ou un Anglais pour jouer des pharaons égyptiens, ça marche pas. Non. Ou un autre truc qui était drôle, c'est Angelina Jolie pour jouer une portoricaine dans un film d'amour. Ah, c'était drôle. Ils cherchent loin. Là. On dirait qu'ils font vraiment exprès. Puis tu sais, je veux dire, je comprends de vouloir avoir une vedette dans ton film. Ça le fait vendre. Ben oui, mais c'est parce que ça fait vraiment vendu plus que l'autre chose. Ben oui, exactement. Mais en plus, surtout le film d'Angelina Jolie, entre autres, c'était tellement ridicule parce qu'elle savait même pas bien parler en espagnol. C'était très drôle. De toute beauté. Mais non, donc des fois, esthétiquement, c'est vraiment très, très mauvais. Donc voilà, c'est ça, c'est un ce truc que la gauche fait, c'est-à-dire critiquer le Hollywood whitewashing. Donc, pourquoi elle veut faire ça? Ben, elle veut encourager la présence de diversité. Elle veut encourager une diversité dans le cinéma. Pour ça, par exemple, qu'elle va encourager le dernier James Bond. Ben, je sais pas, il est sorti le dernier James Bond? Non, je pense pas. Celui où, en fait, il y en avait un, James Bond, qui était pour sortir. Ben, celui, en fait, l'acteur qui voulait pas... Daniel Craig? Ouais, lui, il voulait plus revenir. Ouais. Donc, on pensait qu'on pouvait le remplacer. Il va revenir, là. Donc, il est pas sorti encore. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a qui voulaient qu'il soit noir, le prochain. Exactement. James Bond. Oui. C'est là où je voulais m'en venir. Donc, c'est un exemple d'encouragement pour avoir des rôles de minorité dans... De l'anti-whitewashing, comme pour inverser un peu le système. Mais voilà, il y a un problème avec cette affaire-là. Oui. Là, on entre dans le croustillant. OK. OK. Est-ce que ça tu vas y aller dans le principe de la discrimination positive? C'est ça que tu veux faire? Non. Non? Ben, on a le droit de faire de la discrimination positive, mais on n'a pas le droit de se contredire, par exemple. Aha! Parce que, regardez, je vais vous exposer, il y a où le problème logique là-dedans. Parce que, d'un côté, on dit... il faut garder une authenticité. Les rôles qui sont pris par... les rôles qui sont originellement issus d'une ethnicité en particulier, il faut garder l'ethnicité pour garder l'authenticité. Ça n'a pas de sens de prendre un autre rôle des gens d'un autre background pour ce rôle-là. Ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, chaque fois qu'on prend des... par exemple, dans le cas de James Bond, là, quand on a des rôles qui sont originellement joués par des personnes blanches ou des rôles de personnages qui sont originellement blancs, mais là, de les remplacer par des gens de minorité ethnique, là, ça marche. C'est faire la même chose, dans le fond. Oui. C'est exactement ça, en fait. C'est pas étonnant, en fait, que la droite, des fois, soit un peu, frustrée par rapport à ça. Ouais. Ben, on peut comprendre parce qu'il y a comme un double discours, en fait, ici. C'est vrai. Donc, c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a des gens qui chialent? Parce que là, présentement, il y a un film en cinéma, c'est quoi? C'est Jake Gyllenhaal, je crois, qui joue un handicapé, pas de genre? J'ai pas vu. Est-ce que les gens chialent parce que c'est pas un handicapé qui joue? Parce qu'en tant que tel, il y a des acteurs de toutes les sortes, là, tu sais. Comme on l'a dit tantôt. Et pourquoi est-ce que c'est Jake Gyllenhaal qui, numériquement, a dû, j'imagine, porter des collants verts pour enlever ses jambes? Je trouve ça drôle, comme idée. Mais il va gagner des prix pour ça, parce que c'est un acteur qui est donc bon pour avoir l'air d'un handicapé. Ouais, mais dans le fond, c'est... C'est sûr que c'est pas... Y a des fois où, tu sais, dans des trucs comme ça, où là, c'est un handicapé... Les handicapés peuvent pas... Ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais dans ces cas-là, d'habitude, les handicapés peuvent pas jouer beaucoup de rôles dans la vie. Fait que c'est sûr que c'est bien de leur laisser ces genres de rôles-là, ouais. Idéalement. Et mais... drôlement, si ça avait été un handicapé qui avait joué dans ce film-là, il aurait fallu qu'il numériquement lui ajoute des jambes. Parce que, tu sais, si tu veux avoir le avant-après dans le film où il passe ses jambes en guerre... Oui. Mais c'est probablement pour ça, en fait. Sûrement. C'est facile d'enlever des jambes que d'en mettre et de que ça ait l'air vrai. Oui. Je suis pas en désaccord avec ça. Mais bon, donc voilà, double discours en fait. T'sais, on encourage d'un côté de remplacer les gens de certains backgrounds par des gens d'autres backgrounds. Ouais. Mais d'un autre côté, non, faut pas que ça se fasse pour quand on remplace par des acteurs blancs. Ça marche juste pas. Donc il faut clarifier un peu qu'est-ce qu'on veut en fait. Est-ce qu'on veut garder une authenticité ou on veut juste une diversité? Parce que c'est ça, en tant que tel, si tu commences à faire ça, puis on a déjà abordé le sujet, mais tu sais, quelqu'un qui est hétéro pourrait pas jouer quelqu'un de gay, quelqu'un qui est trans pourrait pas jouer quelqu'un de... Tu sais, peu importe, là, tu sais. Et ça devient difficile parce que là, tout le monde devrait jouer ce qu'il est, puis là, ben, c'est plus un rôle d'acteur. Exactement. Ouais, c'est exactement... C'est tout à fait vrai. À un moment donné, on peut pas se mettre à trouver une personne du background exactement le même que celui du un rôle. Un acteur dramatique pourrait juste faire du drame, pas de comédie, tu sais. Ben, mettons, n'importe quelle adaptation de roman pour un film, il faudrait que tous les personnages qui ont un certain background, ben, en fait, les rôles, c'est exactement le même background de la part des acteurs. Mm-hmm. Ça porte le même nom aussi que le personnage. Bon, pas à ce point, Mathieu. C'est ça, des documentaires tout le temps. Il y a quand même un minimum d'authenticité à garder. Par exemple, on peut pas faire de blackface, ça n'a juste pas de non, non. Ouais, non, ça, on comprend. C'est un autre sujet. On se comprend. Puis en même temps aussi, il y a des trucs ridicules comme... tu sais, si tu prends par exemple... Je suis tellement bon dans mes acteurs. Johnny Depp, oui. Qui joue un autochtone dans un truc de Fantasy Island ou je sais pas trop quel autre. Je me rappelle plus trop, hein. Ouais. Mais tu peux prendre un autochtone pour ça. Là, c'est tellement simple, je veux dire, sérieusement. Ouais. Puis en plus, voler la terre, donne-y un rôle. Non, c'est incroyable ce matin. Tu sais, je veux dire là, ils lui ont peint toute la face en plus, je veux dire. C'est comme du blackface, pour vrai. C'est quoi la différence entre du blackface? Ben en fait, pas vraiment. Parce que le blackface, l'argument contre le blackface, parce qu'il y a un certain précédent historique. Mm-hmm. Le blackface, à l'origine, c'était quelque chose pour caricaturer, en fait, les communautés noires. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est une autre histoire, en fait. Donc voilà, c'est juste une caricature. Donc ça marche pas. Le truc du... la peinture au visage, c'est un autre débat. Okay. Donc voilà, il y a des trucs ridicules. Donc il y a des bonnes raisons de garder des rôles authentiques, mais en même temps, il ne faut pas pousser le bouchon. Comme quand tu as le film en fait, que tu as mentionné, Hellboy, où il y a un acteur qui se posait jouer un rôle de personnage qui a d'un background américain-asiatique. Mm-hmm. Mais là, c'est pas... il faut pas se mettre à le pointer du doigt puis le forcer à le démissionner comme on lui a forcé de le faire, là, en fait. Okay. Là. C'est comme un petit peu pousser le bouchon. Je pense que l'idée derrière le projet de la gauche là-dedans, c'est vraiment de favoriser la diversité dans le cinéma. Faut pas se mettre à accuser des gens, à pointer du doigt. Non, mais c'est des ça. Gens. C'est pas la faute des gens qui ont pris le poste, c'est la faute des gens qui leur ont offert le poste, non? Mais pas juste ça, tu sais, mettons, c'est pas grave si de temps en temps, il y a un blanc qui prend le rôle de quelqu'un d'une minorité culturelle. Tant qu'il y a une présence assez importante de minorité culturelle dans le cinéma, okay. dans le pool des acteurs, c'est ça l'idée. S'il y avait un quota comme respecté de minorité ethnique dans Hollywood, il n'y en aurait pas de problème dans le fond. On n'aurait pas besoin de crier sur tous les toits. Ah mon Dieu, il y a un blanc qui a pris le rôle d'une minorité ethnique. Il n'y aurait plus besoin de ça. L'idée, c'est d'avoir une diversité. C'est ça l'important. Mais puis il faut juste encourager ça. Comme par exemple dans Star Wars, les nouveaux films de Star Wars avec le Stormtrooper, l'acteur Stormtrooper noir. C'est un très bon exemple d'introduction d'un personnage. Ça a l'air naturel comme ça. C'est naturel. Puis James Bond aussi, ça aurait pu être un acteur noir aussi. Oui. Mais il faut pas. Puis on peut encourager ça, c'est très très bien. Mais on n'est pas obligé après de crier sous tous les toits, ben en fait, il y a un acteur blanc qui a pris le rôle d'une unité ethnique. Il ne faut pas prendre ce double discours-là. Il faut, je pense, encourager la diversité tout court. Oui, exactement. Conscientiser au fait que ce serait le fun, ça. Puis être cohérent dans dans le débat. Parce que si on n'est pas cohérent, puis on se met à avoir un double discours comme ça, ben les discours de droite qu'on veut contrecarrer avec ça, ben on pourra juste pas les contrecarrer efficacement, puis on peut pas se faire prendre au sérieux si on n'est pas cohérent dans notre discours. Oui, tout à fait. Donc voilà, il faut être cohérent puis encourager la diversité, point à la ligne. Ça me rappelle un petit peu, tu parles de James Bond qui aurait pu être noir, mais en tant que tel, bon, tu sais, le débat a eu lieu il y a déjà plusieurs mois, années, pas besoin de rembarquer là-dessus, mais tu sais, il a changé de couleur de cheveux, il a changé de teint, un petit peu de peau blanche. C'est comme Doctor Who qui va être une femme, la prochaine Doctor Who, et ça s'explique dans l'histoire parce que c'est une régénération du personnage. Et James Bond, c'est quoi? C'est pas une régénération, mais c'est une illustration du rôle tout le temps. Oui. Fait que tu sais, il y a tout le temps une façon d'amener ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, même, je veux dire, c'est pas Fifi Brindacier, c'est qui dans la comédie, Annie, dans la comédie musicale, qui est une petite fille noire? Ah, ça se peut. Et rousse. Ouais. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, certainement. Puis, ouais, tu sais, les controverses par rapport au fait qu'il y a un Stormtrooper qui est noir ou encore que le Docteur Who devient une femme, c'est complètement ridicule, ça, en fait. Puis, surtout, c'est un discours qui est entretenu par des gens de droite, c'est les critiques de ça, mais en même temps, ils défendent le whitewashing des fois. Mm-hmm. Donc, ouais, il y a aussi une contradiction au niveau de la droite. Mais t'entends souvent, ça a toujours été comme ça, faudrait que ça continue d'être comme ça. Ça, c'est la technique conservatrice. Là. On défend le whitewashing, mais en même temps, quand il y a quelqu'un, un noir, par exemple, qui prend le rôle d'un blanc, ah là, c'est un scandale, tu sais. c'est pas authentique, c'était un blanc avant, tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça. Donc, il y a une incohérence au niveau de la droite, mais aussi de la gauche, qui va contre le whitewashing parce que c'est pas, ils gardent pas l'authenticité, mais en même temps encourage des gens d'autres backgrounds à prendre des rôles qui étaient originellement blancs. Donc il faut juste encourager la diversité de tout court. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut s'en tenir à ça puis être cohérent dans le débat. Donc voilà, c'était mon message ce matin. C'est un beau message quand même, trouvez pas. Main dans la main, société de nos jours. Tout à fait. T'sais, font-nous, tant qu'à faire. Hein? Donc voilà, Jimmy et Thibodeau, encore un autre très bon sujet. Ben, merci beaucoup. On se refait ça la semaine prochaine, voir. On va essayer d'en trouver un autre bon, là, c'est la semaine prochaine, on va voir ça. À date, la moyenne n'est pas pire. À date, ça va bien ton affaire. Ça va bien, là. Hey, je vais essayer de trouver un sujet qui ne touchera pas les minorités culturelles la prochaine fois. Varie un peu, là, varie. C'est ça. À date, on dirait que tu fais une chronique sur la culture. Hey, écoute, je vais changer ça complètement. On va peut-être parler d'OGM la semaine prochaine. Oh! Ah, ben j'aime ça. C'est bon. On aime ça. On se mêlera pas, nous autres, tes sujets, on les aime. Fait. Bon, ben, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, c'est toujours les mardis, à partir de 9h. Merci, Jimmy Thibodeau. Merci à vous. Une grosse pointe tendresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur, quelque chose de malsain, quelque chose qu'on ne devrait pas acheter, mais qu'on achète quand même parce que ça nous fait un petit velours. Un petit velouté. Uh-huh. Un petit velouté dans le bedon. Puis je vais t'avouer que ce matin, j'ai particulièrement faim. Moi aussi, ça grouille et ça grogne et ça fait plein de choses qui commencent en GR. Justement, on va peut-être faire du GR comme dans grignoter aujourd'hui. Des petites barres, j'ai trouvé un produit qui m'a l'air assez granolo. OK. Granolo, persécution? Non, c'est Manolo, ça. C'est Manolo, Mathieu. Donc, c'est par la compagnie... Qui vient de Trois-Rivières, Maxime Desbiens-Tremblay, pas Manolo. Manolo vient de Montréal, ouais, sûrement. Ouais, non, ça, je sais. Ça. Ouais. Bref, la compagnie VA, World Recipes, c'est marqué nouveau dans le coin, donc j'imagine que c'est nouveau. Ouais, peut-être. Ce sont des mini-barres croquantes à saveur de patates douces péruviennes. OK. Intéressant, sans arôme artificiel, sans colorant artificiel. Donc, c'est en petite barre, ça a l'air d'être des barres, je crois, non emballées, parce que ça croustille pas mal quand je le brasse. Il n'y a pas l'air d'avoir du plastique autour. On va voir. Sur l'emballage, on les voit, là, elles ont l'air très, très... On dirait des carottes, mais c'est des patates douces oranges, on s'entend. Ouais. Mais ça fait vraiment santé, je sais pas. Patates douces péruviennes, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'on doit préciser qu'elles sont péruviennes. Est-ce qu'elles sont meilleures, les patates douces péruviennes? Peut-être. Au Pérou, on qui sait pas. Sait? En arrière, on a un petit texte de présentation. Nouvelle mini-barre croquante à saveur de patates douces péruviennes, des goûters cuits croquants à souhait composés de patates douces râpées et d'une touche de poivre de Cayenne, combinés à des ingrédients comme des graines de chia noire véritables. Embarquez dans l'aventure! VA, qu'on doit prononcer VA,